Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ensemble pour réfléchir à l'histoire du théâtre national. Cet échange s'inscrit dans un ensemble d'activités que nous organisons actuellement à propos de ce lieu unique. Aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser au burlesque et à la poune. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Eve-Catherine Champoux, qui est la commissaire de l'exposition que nous organisons actuellement autour des 125 ans de la première saison du théâtre national. Eve-Catherine travaille sur les rapports entre théâtre et muséologie. Elle est docteure de l'Université de Montréal. Bonjour Eve-Catherine. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Pierre Macdeuf, qui est l'actuel directeur de Rappel, soit de la plus importante banque de métadonnées sur les productions théâtrales professionnelles du Québec. Pierre est aussi l'ex-directeur de la compagnie de théâtre Les Deux Mondes, du Carrefour international du théâtre de Québec et du Conseil québécois du théâtre. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous accueillons aussi Catherine Verdon, qui est la petite fille de Rose Ouellette, donc de la Poune. Bonjour. Bonjour. Je vais bientôt laisser la parole à Eve-Catherine et Pierre qui vont guider cette discussion. Mais avant cela, je tenais à remercier Catherine Verdon d'être avec nous. Sa présence est d'une valeur inestimable pour notre projet. Merci beaucoup. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'aimerais commencer en fait en discutant du quartier où était le Théâtre national au moment où Madame Ouellette s'y installe. Donc, en 1936, le quartier se nomme encore le Faubourg Amelas. À quoi ressemblait le quartier et les gens qui y vivaient surtout? Ben, c'était le Faubourg Amelas et c'est demeuré dans nos esprits et nos cœurs, le Faubourg Amelas. Les gens qui y vivaient étaient issus de la classe ouvrière, des familles nombreuses, souvent des logements modestes, des gens qui travaillaient en usine, à la manufacture. D'ailleurs, ma grand-mère a travaillé peu de temps parce qu'elle était mise à la porte. Elle était trop drôle, mais elle a travaillé à la manufacture Duchesse Shoes à l'époque. Montréal était une capitale de la fabrication de la chaussure. Ouais. Alors, le Faubourg Amelas, c'est tout ça, mais c'est une vie à la fois de misère et d'espoir parce que les gens ont beaucoup de courage, beaucoup de fierté. Ce n'est pas des gens qui se laissent aller. Hein. Ils se remontent les manches. Et c'était caractéristique du quartier. Évidemment, le Faubourg Amelas que l'on connaît aujourd'hui affiche des couleurs arc-en-ciel. Et ça, c'est important de dire que c'était cela aussi. Ça ne portait pas le vocable d'arc-en-ciel, mais c'était plutôt inventé en l'an 2000, mais il y avait des gens de tous les courants, de toutes les orientations, et il y avait dans le quartier une entraide. Les gens ne se méprisaient pas, ils s'entraidaient. Alors, c'est une caractéristique du Faubourg Amelas. Ma grand-mère, le Faubourg Amelas, c'est son identité. C'est son monde. C'est sa famille, c'est ses amis, c'est les petits amis d'école, enfin d'école encore là. Elle-même n'a pas été longtemps à l'école parce que, évidemment, toujours comique, elle se faisait mettre à la porte. Mais c'est le monde dans lequel elle a vécu et c'est son attachement de toute sa vie. Le Faubourg Amelas, là, c'est oh, oh, oh dans son souvenir et dans sa vie. Merci. Mais vous, dès votre jeune âge, vous découvrez le Théâtre national et son arrière-scène surtout, puisque votre grand-mère y était. Avec vos yeux d'enfant, de quoi ça avait l'air, le Théâtre national, à l'époque? J'étais très chanceuse parce que, d'abord, j'ai connu le théâtre tout de suite, au début de ma vie. La première photo d'enfance que j'ai est dans la loge de ma grand-mère. Une loge avec un petit canapé fleuri. Une loge où ça grouillait, parce que ma grand-mère était évidemment très dynamique. Mais c'est surtout une loge pleine d'amour. J'allais au National, je vais vous raconter cette anecdote, quand j'avais 4-5 ans, je vivais à Villemar avec la plus jeune sœur de ma grand-mère, et on me mettait en taxi avec le chauffeur, j'étais seule, c'est un autre temps évidemment, parce qu'aujourd'hui tout le monde a peur de tout, mais moi, j'avais pas peur, et ma tante non plus, et ma grand-mère non plus, alors j'allais seule au théâtre. Je rentrais par la rue Sainte-Catherine. Hein? Alors là, je voyais c'était pour moi éblouissant. Évidemment, j'étais une enfant, c'était magnifique. C'était comme doré. Hein, je dirais, il y avait le comptoir de la billetterie, il y avait le comptoir à bonbons, parce qu'à cette époque-là, c'était coutumier d'avoir un comptoir à bonbons. Alors, il y avait cela. Puis là, je pouvais aller voir la salle qui me bouleversait finalement, parce que c'était beau, c'était grand, hein, c'est une grande salle de théâtre, les fauteuils, la scène, le rideau, l'escalier qui montait au deuxième. J'étais éblouie par tout cela. Alors, c'est des souvenirs très heureux. Puis, quand j'avais fait le tour de l'entrée où on m'avait accueillie, je ne peux pas vous dire à quel point c'était chaleureux, parce qu'évidemment, la petite fille de 4-5 ans arrivait seule au théâtre. Alors, j'étais très bien accueillie. Et là, je prenais un petit couloir qui menait aux loges. Petit couloir que je n'ai pas aimé parce qu'il contrastait avec la salle et les loges, mais enfin. Et là, une fois que j'étais allée dans la loge de ma grand-mère, évidemment, souriante et pleine d'amour, et c'était sa vie et c'était la mienne avec elle, je frappais aux portes des loges. Je voyais tous les artistes qui m'accueillaient à tour de rôle, les bras ouverts. Je voyais les comédiens, les comédiennes, les danseurs, les danseuses, enfin, tout le monde qui était dans les loges, et je faisais le tour. Alors, j'ai vu tout le monde et j'ai encore des souvenirs de ces personnes, de ces artistes, des souvenirs imprimés dans ma mémoire, dans ma tête. Je les revois tels qu'ils étaient. Bon, si je les voyais aujourd'hui, ils seraient peut-être différents, mais évidemment, ils ne sont plus là. Mais dans ma tête, à moi et dans mon cœur, c'était tellement d'amour, tellement de vie, de joie de vivre. Il y avait beaucoup chez ces artistes-là de complicité. Alors, quand je faisais le tour des loges, c'était toujours des complices que je voyais. C'était toujours aussi des beaux costumes, des maquillages. Alors, pour une enfant, c'est comme une boîte au trésor. Je voyais tout ça sur les bureaux des loges, les chapeaux. Alors, quand il y avait un danseur qui incarnait un personnage, par exemple, de conte de fées. Mais là, je le voyais, pour moi, c'était vrai, là. C'était lui. Alors, j'étais amoureuse de beaucoup de danseurs, je dois dire, parce qu'ils étaient très beaux et ils étaient très gentils, mais vraiment. Mais justement, dans la troupe, pour un théâtre, pour faire une pièce de théâtre burlesque, en fait, il y avait énormément de numéros, que ce soit des danseurs, des chanteurs, des chanteuses. Il y avait de la magie de ce qu'on a vu aussi à travers nos recherches. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de gens, plus les musiciens qui étaient dans la fosse à l'époque. Quel était l'état d'esprit général de la troupe? Ben, l'état d'esprit, c'était, je l'ai dit, à la complicité, à la solidarité. Ma grand-mère, comme directrice de théâtre, était très rigoureuse. Elle était très sévère. Elle voulait que ce soit parfait. Le spectacle donné au public devait être parfait. Donc, il y avait la ponctualité, il y avait le rôle qui était appris, même s'il y avait tout le volet de l'improvisation, mais c'était rigoureux. Évidemment, elle était aussi très affectueuse vis-à-vis des artistes. Alors, il régnait une espèce de vénération pour Madame Ouellette. je me souviens. Elle était admirée, mais elle ne se prenait pas pour une autre. Le lien avec le faubourg Ramelas, là, hein, le monde ouvrier, le monde terre à terre, le monde qui gagne sa vie, elle le connaissait et elle savait que les artistes étaient aussi dans ces conditions de vie, comme aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, beaucoup d'artistes, hélas, ont des conditions de vie difficiles. Mais pour en revenir à l'esprit qui régnait et au fait qu'il y avait beaucoup de travail, c'était inspiré par le fait qu'elle était très fidèle à son milieu. Elle savait ce qui se passait dans la vie des gens. Elle était inspirée par l'actualité, par des faits divers, par exemple. Il y avait aussi des spectacles, des revues, qui portaient le nom de revues, qui étaient annuels, autour, par exemple, de Noël, autour de Pâques, autour de la Saint-Jean-Baptiste, comme on disait à l'époque. Alors ça, ça revenait, mais ça ne revenait pas dans le même, de la même façon. Le spectacle était nouveau, mais les thèmes étaient parfois répétitifs. Alors, les comédiens, les comédiennes, enfin les artistes en général, parce qu'il y avait effectivement, vous mentionniez les musiciens, c'était les arts vivants, hein, c'était vraiment ouais. ça. Là. C'était, tout le monde était sur scène ou dans la fosse à orchestre. Tout le monde, finalement, vivait ensemble. Ce qui régnait, c'était une vie quasiment de commune, on lui dit à une autre époque, parce qu'il y avait les répétitions, il y avait 2 spectacles par jour, 7 jours par semaine, 42 semaines par année. Ah, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Pendant 17 ans qu'elle a été directrice, et les artistes étaient fidèles et ils adhéraient à la même vision qu'elle avait du théâtre, c'est-à-dire un grand métier, le métier de comédien, de comédienne, un grand métier. Ils en étaient fiers. Alors, tout le monde participait, mais pour ce qui était des sujets, ça venait du cru de ma grand-mère. Ma grand-mère n'avait pas acheté, par exemple, des bits des États-Unis traduits en français. Elle faisait tout elle-même. Elle avait beaucoup d'imagination, sans doute, mais surtout une grande connaissance de la vie. Il ne faut pas oublier que le public qui était dans la salle se reconnaissait dans la Poune. C'est ça, quand on demande toujours pourquoi elle était tellement aimée. Mais elle était aimée parce qu'elle aimait le public et qu'il y avait une osmose entre les deux. Elle savait à qui elle parlait. Ma grand-mère a été réputée pour être féministe, bien que le mot n'existait pas à l'époque, mais elle l'était. Elle dénonçait les conditions de vie des femmes, les conditions ou la domination du clergé sur les femmes. Beaucoup d'enfants, des petites maisons, des maris ouvriers qui faisaient leur possible, mais qui gagnaient peu. Tout cela, elle l'illustrait, la Poune le dénonçait les conditions. Alors, elle s'est servie de ce personnage sympathique, rieur, mais à travers le rire, il y avait des messages. Et je soupçonne que certaines femmes devaient rire jaune, parce que ça s'adressait à elles et à leurs conditions de vie qui étaient dénoncées. Après le spectacle, elles retournaient chez elles. Et la vie continuait dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Justement, on a parlé. Est-ce que, donc, durant ces années-là, il y avait un noyau de compagnies? Donc, il y avait assez peu de roulement à l'intérieur des équipes artistiques? Il y avait une fidélité à l'intérieur d'une saison et de saison à saison? Oui, tout à fait. Il y avait la troupe permanente, la Poune et sa troupe. C'était le nom véhiculé. Et il y avait donc un noyau très fidèle, peut-être de 15-20 artistes qui travaillaient tous les ans dans la troupe. Et c'était ces personnes-là, évidemment, qui faisaient le gros des spectacles, évidemment. Et puis, il y avait une autre partie qui était les artistes invités. Parmi les artistes invités, il y avait effectivement des magiciens, des jongleurs, des chanteurs, des chanteuses de l'époque, très connus à l'époque, des vedettes. Alors, parce que les gens aimaient travailler au National. Ils aimaient le rythme effréné, qui leur convenait bien aux artistes, et ils aimaient l'atmosphère chaleureuse du théâtre. Mais il y avait donc très distinctement la troupe permanente et les invités. Donc, différentes artistes à ce moment-là. Mais donc, moi, je suis très curieuse de la dynamique de création hebdomadaire. Oui. Ça veut dire qu'en même temps qu'on présente un spectacle 2 fois par jour, puis un spectacle qui dure à peu près 5 heures si on inclut les vues qui le précèdent, comment on faisait pour arriver à trouver les textes, les costumes, les décors? Comment on y arrivait dans cette dynamique-là? Pour les textes, comme je vous disais, c'est que les idées maîtresses étaient celles de ma grand-mère. Mm-hmm. D'accord? Et autour d'une idée maîtresse, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'improvisation. Et ça, c'est un art en soi. L'art d'improviser, c'est-à-dire de savoir prendre des risques pour les artistes, parce qu'ils sont sur scène et ils improvisent, et puis le public peut réagir de diverses manières. Et la faculté de saisir la réaction du public. Ma grand-mère était très connue pour ses réparties. Elle saisissait très bien ce que le public lui disait. Et puis parfois aussi, parce que c'est dans le burlesque accueillait les réactions du public. Le public pouvait être assis là, comme ça, et puis quelqu'un pouvait dire « voici, voilà ». Et oui, ça, il y avait une interaction avec le public. Donc, les thèmes étaient, je l'ai dit tout à l'heure, de la vie quotidienne, somme toute, mais toujours en rébellion aux conditions de vie. En fait, les gens, les artistes, étaient au théâtre deux fois par jour. Quand la deuxième représentation était terminée en soirée, c'est là où ils répétaient. Il était tard. Ils répétaient et ils mangeaient ensemble. Donc, toute cette convivialité-là, elle était... Les artistes étaient au National, je dirais combien 18 heures par jour, j'ai l'impression, parce que finalement, entre les deux représentations, la répétition, manger ensemble le soir à je ne sais plus quelle heure, et puis ces gens-là aussi, quand ils en avaient l'occasion, probablement une fois par semaine, allaient prendre un verre ensemble, se faire une récréation ensemble, et puis je reviens sur un fait important, c'est que dans le quartier, il y avait, je l'ai dit, des gens de diverses orientations. Une chose qui est très importante, c'est que, et que j'ai ressenti enfin, c'est qu'il n'y avait pas de préjugés. Ça, c'est monumental. Hier, aujourd'hui, et pour cela, je remercie ma grand-mère. C'est un cadeau immense que de rencontrer des gens et d'avoir l'esprit et le cœur ouvert. Et c'est ce qui régnait. En fait, c'est même... ce qui régnait le plus, de ne pas avoir de préjugés, d'être des artistes et de savoir aimer. Aimer le public, mais être digne. C'est-à-dire, il y avait une phrase qui était répétée et que j'ai gardée, « Vivre et laisser vivre ». Et ce n'était pas dans l'indifférence, c'était au contraire dans le respect de soi et des autres. C'était dans la dignité. Alors, les gens vivaient ensemble, les artistes vivaient ensemble, il y avait une troupe permanente. Tout le monde y mettait du sien. Vous me parliez des costumes. Madame Petri, qui travaillait au Théâtre National, qui était dans la troupe de ma grand-mère, était très habile couturière et chapelière. Elle faisait tout. Donc, elle prenait part aux costumes. Mais on allait chez Ponton. Ponton connu comme, comme toujours, comme le magasin qui a le plus de costumes au Québec. Le costumier officiel, du Québécois et de la Québécoise, pour ainsi dire. Alors, et pour ce qui était des décors, il y en avait qui étaient recyclés de fois en fois, un peu gardés en arrière-scène, dans une réserve quelconque. Puis il y avait aussi l'échange des décors entre théâtres. Les gens se passaient des choses, voilà. Ils passaient des décors appropriés, voilà tout. Mais évidemment, des fois, les décors étaient, faisaient plutôt place à l'imagination, je dirais, à mon souvenir. Sauf les grands moments, comme la revue, quand il y a eu, évidemment, la fin de la guerre, la grande revue de la victoire, où tout a été fait sur mesure, avec un grand V illuminé, parce qu'il faut dire que pendant ces années-là, il y a eu la guerre. Alors, l'angoisse aussi, et la misère, et la peur, et enfin, tout ce qui va avec la guerre. Ouais. Mais justement, à la lecture des différentes biographies d'artistes, notamment Mme Ouellette, Mme Petri aussi, ce qui ressort assez vite, c'est que c'est un mode de vie qui est très, très dur, qui est très exigeant que d'être un artiste du théâtre burlesque. Qu'est-ce qui a motivé Mme Ouellette à persister dans ce travail-là, dans cette œuvre-là si longtemps, malgré le rythme de vie que ça lui imposait? La passion. C'est la passion d'être artiste en communication avec le public. C'est aussi une grande ténacité. Ma grand-mère n'a jamais fait de compromis dans la vie. Elle était elle-même. Et puis, quand elle était directrice du National, elle était elle-même. Et puis, elle aimait ce qu'elle faisait. Et les artistes qui étaient de sa troupe aimaient aussi le théâtre. Alors, qu'est-ce qui l'a poussée à persister? C'est qu'elle avait choisi cette vie. Elle avait choisi d'être une artiste dès le départ. Quand elle a fait les concours d'amateurs, quand elle était, en fait, jeune adolescente, elle gagnait tous les concours parce qu'elle avait une très belle voix. Vous savez, la voix rauque qu'on lui a connue, c'est venu avec les décennies. Elle n'a pas toujours eu la voix rauque, évidemment. Et puis, elle a donc commencé comme ça. Puis, elle voulait être comédienne. Elle voulait être comédienne pour faire rire les gens. Parce qu'à travers le rire, elle savait qu'elle perçait la misère, qu'elle donnait un répit à son public qui allait la voir. Elle savait que sur scène, quand elle entrait avec la célèbre chanson « C'est de la faute à Poupa », les gens étaient immédiatement subjugués. Elle avait beaucoup de charisme, il faut dire. Hein? Alors, les gens souriaient et elle entrait, et là je me souviens très bien de la voix, entrer comme l'énergie et la joie de vivre. C'était ça. C'était son métier, c'était sa vie, c'était sa passion, c'était sa ténacité, le respect du public. Finalement, oui, la vie était dure pour les artistes, mais elle est encore aujourd'hui. Ouais. Alors que le rôle est indispensable. Le rôle social de l'artiste est indispensable dans la société. Alors, elle le comprenait très bien. Elle savait qu'elle faisait du bien. Elle savait qu'elle faisait du bien et le public l'aimait, répondait à cet amour qu'elle avait pour le public. Elle aimait le monde et elle aimait la vie. Alors, elle était sur scène, cette énergie, et elle démontrait toute cette vivacité, cette passion qui ne l'a pas lâchée jusqu'au dernier moment. C'est tout. Et puis, ce n'était pas une femme non plus. Évidemment, elle a bien gagné sa vie, très bien même. Mais ce n'est pas une calculatrice, ça n'avait rien à voir. C'était pas ça. Elle redonnait. Oui, oh, bah, elle redonnait. En effet, elle redonnait. Mais oui, parce qu'elle était très attentive. Par exemple, avant d'être directrice du théâtre Cartier, du théâtre national, pardon, elle était directrice du théâtre Cartier. Oui. C'était au moment de la grande crise de 1929. Mm-hmm. Ma grand-mère employait le plus d'artistes possible pour leur permettre de gagner leur vie. Oh. Et en plus, elle offrait de la soupe pour qu'ils puissent manger et se réchauffer. C'est dire le cœur qu'elle avait et la passion qu'elle avait pour le monde et la vie. Alors, ça ne posait pas de problème pour elle d'avoir une vie dure. De toute façon, je l'ai toujours vue souriante. Elle dormait le matin, elle dormait tard, puis je me souviens encore à la maison. Et puis, elle se levait et tout était éclatant, c'était le soleil, c'est tout. Et elle repartait, comme elle l'a fait d'ailleurs après la fermeture de la troupe et la fermeture qu'elle a eue du Théâtre National. Elle avait encore, à ce moment-là, elle avait 50 ans, elle avait 40 ans devant elle, et elle n'a pas cessé. Alors, et c'était quoi sa relation avec le public du Théâtre National? Ben, comme je vous le disais, c'est une relation étroite parce qu'elle était issue de ce public, en grande partie le public du Faubourg Amelas. Mm-hmm. Mais pas seulement, je dois dire, parce que le public du Théâtre National représentait toutes les classes de la société. D'abord, il y avait des gens des autres quartiers, hein? Il y avait les visiteurs et visiteuses du Québec. Quand ils venaient à Montréal, ils allaient au National. Il y avait d'autres comédiens et comédiennes d'autres théâtres qui voulaient voir ce que faisait Lapoune et sa troupe, parce que pour plusieurs, c'était une référence. Et puis, il y avait aussi les gens de la bourgeoisie qui se cachaient, ça c'est vrai, pour aller au National. Parce que, évidemment, le National étant le burlesque étant considéré comme populaire, du petit peuple, n'est-ce pas? Eh bien, quand on est, je ne sais trop, intellectuel, instruit, riche ou je ne sais quoi dans le genre, eh bien, on ne peut pas fréquenter ce monde-là. Alors, ils entraient au National quand les lumières s'éteignaient. Oh! Oui, et ils s'assoyaient à l'arrière de la scène. Évidemment, ma grand-mère les voyait. C'est pas possible. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par là. Mais le public du National était donc, je dirais, multiforme. Il y avait plusieurs classes. Mais le public principal était celui qui était issu de son propre quartier, de son propre monde. Donc, il y avait aussi une fidélité de la part du public à l'endroit du National. Je dirais même qu'il y avait un sentiment d'appartenance. Par exemple, ma grand-mère m'a raconté comme anecdote que quand elle se promenait rue Sainte-Catherine, parce qu'elle-même avait des résidences, une résidence à la Noraie, une résidence à Saint-Sulpice, mais compte tenu du nombre d'heures travaillées dans la journée, elle louait toujours un petit logement tout près. Donc, elle se promenait rue Sainte-Catherine. Elle rencontrait des personnes, dont plusieurs qu'elle connaissait par leur nom, tellement ils étaient fidèles. Et la dame lui disait, « Madame Ouellette, je n'ai pas pu aller la semaine passée à cause de je ne sais plus quoi, mais cette semaine, je vais vous voir. » C'est dire le sentiment d'appartenance. Les gens allaient et revenaient, et c'était hebdomadaire. Donc, une communauté, presque un rituel. Ah oui, bon, on peut dire ça. Enfin, disons que les synonymes seraient nombreux, là. Ouais. Mais je dirais qu'il y avait ce sentiment d'appartenance très, très fort. La fidélité. Par exemple, on donnait des petits cadeaux aux artistes. Pas grand-chose, les gens n'étaient pas riches. Mais des petits cadeaux qui pouvaient être des fois, je ne sais pas moi, une tourtière, qui pouvait être un petit gâteau. Oui, ben, les artistes étaient contents parce que finalement, avec le peu qu'ils gagnaient, ça faisait du bien. Mais le public était reconnaissant. Le public aimait ces artistes. C'était la famille. C'était comme les membres de la famille. Vraiment. Et c'est pour ça que je reviens souvent sur la question des préjugés et tout. Ça n'existait pas. Les artistes étaient vus comme des artistes et acceptés comme tels dans leur vie. C'est un grand changement par rapport à d'autres choses et à d'autres attitudes. Et ça coulait de soi, ça allait de soi. D'accord. Et donc, le public avait une relation presque personnelle avec Madame Ouellette, qui l'appelait La Poune. Oui. Prenait son nom de scène. Mais elle aussi avait une relation privilégiée avec elle, avec lui. Et donc, elle voulait qu'il soit bien, elle voulait qu'il soit confortable, elle voulait qu'il soit heureux, surtout, à travers ces années qui étaient difficiles. Absolument. De toute façon, elle le faisait à travers son personnage. Déjà, pour donner un répit, je l'ai dit, une pause, surtout aux femmes, parce que c'était beaucoup un public de femmes, une pause dans la journée. C'était bien mérité, d'ailleurs. Et elle pensait aussi à l'aspect, enfin, le mot est faible, mais à la pauvreté dans le quartier. Mm-hmm. Hein? Alors, les gens allaient la voir, ils payaient leur billet, qui était 25 cents, je pense, à une certaine époque. Mais c'était important pour les familles nombreuses. Elle faisait tirer, pendant un certain temps, elle a fait ça, tirer des paniers de victuailles. Mm-hmm. Elle allait chez les épiciers du coin, demander un petit morceau de ceci, de cela, de viande, de légumes, etc., constituer un panier qu'elle faisait tirer. C'était par amour du public. C'était pas dans un esprit messianique de je ne sais quoi. C'était parce qu'elle aimait le public. Elle savait que les gens, il y en avait qui étaient pauvres dans la salle et que le panier faisait une différence dans une semaine pour nourrir la famille. Alors, il y avait, oui, des petits cadeaux que les artistes recevaient, qui étaient sous forme la plupart du temps de victuailles aussi, parce que tout le monde avait faim, finalement. Et elle-même faisait tirer les paniers de victuailles en espérant que, effectivement, ça fasse du bien. Oui. Que ça puisse aider. Oui. Et j'aimerais savoir, vous qui avez une carrière principalement dans la culture, mais dans son arrière-scène, dans son fonctionnement, comment l'influence de votre grand-mère a traversé votre carrière? Oui, ben disons que je peux dire sans embâche que je suis très chanceuse d'avoir eu comme grand-mère Rose Ouellette La Poune. Mm. D'abord parce qu'il y avait un tel amour entre nous deux, une grande complicité, une grande compréhension. Ma grand-mère a toujours cru à l'égalité, alors je n'ai pas été traitée comme une petite fille, mais comme une personne, en toute égalité, en toute franchise, en toute honnêteté. Ça, c'était à retenir, d'une part. Mais il y a aussi l'influence que ma grand-mère a eue sur moi. J'ai comme vous dites, j'ai beaucoup fait au niveau culturel à une certaine époque, quand j'étais en politique municipale. Et ce n'est pas pour rien que j'ai été nommée à l'exécutif au développement culturel. C'est évident que j'étais née dans ce milieu, que je suis née dans ce milieu et que je le connaissais et que je l'aime, je dois dire. Alors donc, pour moi, c'était naturel, mais c'était naturel parce que hérité de ma grand-mère. Et puis, la ténacité aussi. Parce qu'évidemment, défendre la culture en politique, ce n'est pas facile. C'est un sujet qui est toujours sous le tapis. Alors, j'avais la passion qu'elle avait pour elle se défendre sur scène et moi me défendre en politique et défendre la culture. Ça, j'ai hérité de cela, de cette ténacité. Et aussi de l'amour des gens, l'amour du quartier. Le Théâtre national est dans le Faubourg Amelas. C'est un quartier qui compte à Montréal et qui devrait compter aujourd'hui dans sa vivacité, parce qu'il n'y a pas que la misère qui règne sous diverses formes. On en parle, on en reparle, on en reparle, on ne conclut à rien d'ailleurs. Mais il y a le courage des gens du quartier et aussi leur vérité qui a éclaté. Et ça, ça me touche beaucoup. Alors, en politique, les quartiers sont, en politique montréalaise, les quartiers sont très importants. Et ça, je l'ai hérité parce que ma grand-mère a toujours été proche de ses origines. Et moi, j'ai bien compris qu'un quartier, comme on disait autrefois, quand j'étais membre active du Rassemblement des citoyennes et citoyens de Montréal, c'est des petits villages, hein, des mondes en soi. Alors, ça, j'ai hérité. Ça m'est passé, comment dirais-je, naturellement. C'est comme un héritage naturel, voilà. Alors, et puis, il y a aussi ce que j'ai dit en répondant à vos questions, le fait que il n'y avait pas de préjugés. Et quand j'étais, en tout cas si peu, d'accord, parce que pas du tout, j'imagine que ça n'existe pas, il n'y a pas d'absolu, mais il y avait très peu de préjugés dans le quartier et au théâtre. Ça m'a amené aussi à défendre le dossier de l'interculturalisme à Montréal. L'interculturalisme comme l'interaction qu'avait Rose Ouellette avec son public. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé dans des camps, on se parle, on partage. Alors, cette idée d'interculturalisme que j'ai défendue, qui était sur la base, effectivement, de non-préjugés, si je puis dire, ça, c'était aussi l'héritage de ma grand-mère. Enfin, j'ai hérité de beaucoup de choses de ma grand-mère, de son sourire à elle, c'est-à-dire que j'en ai hérité. Je ne veux pas dire que moi, j'ai son sourire. Je veux dire que le sourire qu'elle avait, je l'ai en moi. Je l'ai dans ma tête, je l'ai dans mon âme. Alors, je suis une fière héritière de Rose Ouellette, la Poune. En terminant, j'aimerais qu'on revienne parce que Michel Tremblay, dans son livre « La Duchesse et le roturier », qui a publié au début des années 80, situe quelques-unes des actions du livre dans les coulisses du Théâtre national, à la fois aussi parfois dans le parterre avec les spectateurs, mais surtout dans les coulisses, sur l'arrière-scène, sur les loges, entre autres, une fois le spectacle terminé. Je sais que vous avez lu le roman aussi, et selon vous, le portrait que Tremblay dépeint du Théâtre national, de ses coulisses, de ses loges, est-ce que c'était représentatif de la réalité? Ah oui, j'étais très frappée quand j'ai lu, d'abord, en 83, quand le livre a été publié et que j'ai relu par la suite, parce que La Duchesse et le roturier de Michel Tremblay, c'est un livre tellement descriptif d'une époque et tellement réjouissant. Et on peut rire à pleurer en lisant, en lisant vraiment ce roman. Et ma grand-mère elle-même a bien dit que Michel Tremblay l'avait dépeinte avec une fidélité et une justesse et une précision remarquables. Et c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion de dire à Michel Tremblay combien, dans ce roman, j'avais reconnu ma grand-mère et je ne savais pas que quiconque pouvait la connaître à peu près mieux que moi. Et donc, ce qu'il décrit, la femme qu'il décrit, pardon, est vraiment Rose Ouellette, la Poune. D'accord ? Parce qu'il décrit la Poune. Il décrit aussi la femme, parce qu'il dit bien que derrière le personnage, il y a la femme discrète, la femme réservée. C'était ma grand-mère, ça. C'est une femme réservée, très, dans sa vie personnelle, très réservée. Et sur scène, donc, tout l'éclat qu'elle avait. Et ma grand-mère cite dans son autobiographie, qui s'intitule « Vous faire rire, c'est ma vie », et ça aussi, c'était très vrai, « Vous faire rire, c'est ma vie », c'était son choix de vie. Elle cite Michel Tremblay en disant « Non, celui-là, il n'a jamais travaillé au National, mais c'est tout comme. Et là où il m'a vraiment eu, c'est dans La Duchesse et le Roturier. Il parle du National comme s'il y avait passé sa vie. Il devait pourtant avoir la couche aux fesses quand nous avons quitté. Et de moi comme si nous avions élevé les cochons ensemble. » Alors, c'est très... La description qu'il en fait est très juste. Et c'est ma grand-mère elle-même qui le dit. Donc, elle s'est reconnue dans ce livre de Tremblay. Elle s'est reconnue dans sa description de l'époque, du National et d'elle-même. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, ben d'abord, c'est le génie de l'écrivain, pour ainsi dire. Et c'est le fait de l'acuité de la pensée de Michel Tremblay, qui avait tout décodé l'affaire, pour ainsi dire. Parce que même si la peau était joyeuse et joueuse, mm-hmm. il savait la dimension de la vie de l'artiste ouais. et de la vie de ma grand-mère, de la peau. Il savait tout ça. Et pour finir, qu'est-ce que vous pensez que Mme Moellette aimerait qu'on retienne de ses 17 ans au Théâtre National comme directrice, comme comédienne, comme vedette mm-hmm. Ben, je pense que ma grand-mère, ce qu'elle aimerait qu'on retienne, bien qu'on soit sur le sujet du Théâtre National, c'est plutôt ce qu'elle est, elle a été comme artiste toute sa vie. Pas seulement les 17 ans au National. Parce que pour elle, c'est une période très importante, évidemment. Puis je pense qu'elle est marquante pour le Québec aussi, de bien des façons. Mais c'est sa vie d'artiste. Elle avait choisi... de faire rire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a différents modes d'expression comique, disons, elle dirait bien qu'elle n'est pas une humoriste, mais qu'elle est une comédienne. Mmh. Ce n'est pas pareil. La comédienne travaille en équipe. Et pour elle, l'équipe, pour ainsi dire, les artistes, c'était aussi une grande partie de sa vie. Par exemple, je suis certaine qu'elle serait... touchée et en accord parfait avec la pièce produite par le Théâtre de l'Œil ouvert, La Géante, qui est théâtre co-dirigé par Jade Bruno et Simon Fréchette-Daou. Mm-hmm. Et cette pièce qui a été écrite par Geneviève Baudet, qui elle aussi a cerné, alors là, complètement le personnage de la Poune. Elle raconte sa vie de sa petite enfance à la fin du Théâtre National. Elle est interprétée par... Gabrielle Fontaine, qui est souriante comme ma grand-mère l'était. Et je suis certaine que s'il y avait comme un message à livrer, ayant vu la pièce et l'ayant beaucoup aimée, c'est un théâtre musical, ce que faisait ma grand-mère, c'est un théâtre musical, les musiciens étaient dans l'orchestre, c'était sur scène, c'était du théâtre vivant, c'est ce qu'elle aimerait qu'on retienne. C'est-à-dire de pouvoir donner un spectacle où les artistes de scène sont présents sur scène, vraiment. Et avec une présence aussi bien des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs. Tout le monde est là sur scène pour offrir au public le spectacle, le théâtre musical. Parce qu'il y a le burlesque, qui était une trame de fond, mais tout ce que c'était davantage un théâtre musical. Un théâtre qui offrait, bon, des films... des dessins animés, des numéros de spéciaux, oui. etc. Mais ce qu'elle aimerait qu'on retienne, c'est qu'elle a fait sa vie en disant « Vous faire rire, c'est ma vie ». C'était son engagement. Merci infiniment, Madame Verdon, d'avoir partagé vos souvenirs et votre témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ce balado s'inscrit dans une série qui a pour objet les 125 ans du Théâtre National. Il a été produit dans le cadre d'un partenariat entre le CRILC et Rappel, la mémoire du théâtre au Québec. Il a été réalisé par Eve-Catherine Champoux et Rémi Besson. Le montage a été effectué par Alex Delagrave. Nous tenons à remercier ceux qui ont financé ce projet, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Programme de soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ce balado a été enregistré dans un studio de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal durant l'hiver 2025.